Les participants à la conférence nationale des intéressés de planification exemplaire ont visité le palais du soleil de Kumsusan pour rendre hommage sublime aux camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il.